deux dernières chansons sur le répertoire plus lourd, mais tout ça. Et maintenant, la dernière, qui s'appelle Une autre chanson qui parle du temps, comme vous savez. Et maintenant, c'est le temps, en même temps, gagner et perdre. C'est ici, c'est un chômage. Merci beaucoup. Posso. Thank you.